Cherche mon pic. On parle français. On parle anglais. On parle mal. Et on parle mal. On est québécois. Jamais n'est pas, on est jamais.